Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast Youngti spécial Euro 2016 consacré au 8e de finale. Avec nous ce soir, il y aura Forza, salut Forza. Yup. Il y aura Max, salut Max. On est en 8e. Salut. Il y aura Pota, salut Pota. Hello. Et il y aura Scap, salut Scap. Salut. Donc ensemble, on va repasser en revue, ou juste passer en revue, c'est bien déjà, les huitièmes de finale qui ont été joués cette semaine, avant de donner des petits pronostics sur les quarts de finale qui se joueront de jeudi à dimanche. Et puis on va attaquer tout de suite avec le tout premier huitième qui s'est joué, je sais plus quel jour, il y a trois jours à peu près, entre la Suisse et la Pologne, l'affiche alléchante Suisse-Pologne, qui s'est terminée sur un 1-1, et la Pologne l'emportant au tir au but. Qui a vu le match? Moi j'ai vu le match. Bonne partie. Et c'était chiant, quoi. C'était chiant, ouais. Bah, vraiment qu'il y a un super but de Shaqiri, retourner folle. Mais sinon, non, oui, c'était. Bah, après, c'était un match assez équilibré, même si la Suisse a quand même globalement eu le ballon. Ouais, c'est ça. La Pologne en elle-même a dominé la première mi-temps et la Suisse a dominé le reste du match sans pouvoir forcément concrétiser derrière. On savait que ça allait être un match chiant quand même, parce que c'est quand même pas deux grosses équipes depuis le début de la compétition, ça rame un petit peu. Je pensais que la Pologne sortirait un peu son épingle du jeu, et ben pas du tout, c'est toujours chiant à voir jouer en fait. Ouais, je pensais aussi, et je pensais surtout qu'on allait voir enfin le Lewandowski aussi efficace qu'au Bayern, mais il s'est encore une fois chié sur 2-3 occasions dans le match. On l'a même quasiment pas vu, quoi. C'est ça. Mais je pense que Lewandowski, il a trop de pression aussi. Au Bayern, c'est pas lui la tête d'affiche. Avec la Pologne, c'est toute l'attaque repose sur lui et ça doit lui faire un peu peur aussi, je pense. Je sais pas. Ça. Bah, après, il a quand même bien commencé sa saison avec le Bayern. Et, il a juste s'est éteint en mi-saison. On voit plus trop depuis, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Après, bon, au niveau équipe nationale, il n'est pas si mal entouré que ça. Grosicki et Blazikowski, ça reste des assez bons joueurs quand même qui peuvent lui donner des bons ballons, quoi. Même Milik, hein. Même Milik également. Donc globalement, oui, la Pologne, ça reste une déception, quoi. Ouais. Bah, ouais, sur Switchem, ouais. Bah, je pense on attend toujours plus et ils n'arrivent pas à passer, je sais pas, un cap, un palier, j'en sais rien, mais. Parce qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils pourraient faire plus quand même. Est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont faire la même en quart contre le Portugal, parce que ça risque d'être chiant aussi comme match. Ne lance pas de suite. bientôt. Donc non, bah, s'ils arrivent à faire la même première mi-temps, c'est juste la première mi-temps, il faut qu'ils arrivent à la faire sur un match complet et à ce moment-là ils n'auront pas de soucis, quoi. Ouais. Sur la première mi-temps ils ont archi dominé et après je sais pas ce qui s'est passé autour du vestiaire, ils ont glandé tout simplement en attendant de se faire reprendre. Ouais. Est-ce que les Suisses auraient mérité mieux sur le match? Sur la deuxième période et sur les prolongues, ouais, il méritait de passer pour moi. Ça fait short sur toute la compétition, parce que j'ai regardé un peu la Suisse depuis le début. Contre l'Albanie, c'était chiant. Contre la France, c'était chiant. Contre la Roumanie, c'était chiant. C'est ça. Au final, au final, ils étaient quand même là, ils sont quand même en 8e, mais c'est quand même peut-être pas loin de passer non plus. Après, quand je regarde les stats, c'est ouf. Les deux équipes ont tiré énormément, mais alors qu'est-ce qu'elles ont peu cadré, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Il y a eu des tirs dans ce match. Waouh. Bah, et pourtant, il y a eu 21 tirs, 7 cadrés pour la Suisse et 20 tirs, 5 cadrés pour la Pologne. Il y a pas. Mais... Pour la Suisse, moi j'ai 28 tirs cadrés et 28 tirs et 8 cadrés. Tu vois. Pour la Suisse. Ah, ouais. T'as peut-être le match en entier. Je sais pas, moi j'ai la. Je suis sur l'équipe, donc je sais pas. Moi, je suis le truc officiel qui a été posté sur le forum. Voilà. Ok. Mais. Mais donc voilà, ils ont quand même tiré pas mal, mais qu'est-ce que ça cadre, et c'est pas d'ailleurs ces deux équipes, hein, c'est général, qu'est-ce que ça tire comme des tarés, mais ça cadre pas, quoi, c'est fou. Ouais, ça restait un Suisse-Pologne, je pense pas qu'on attendait non plus. Non, c'est sûr. Bah, ça fait plutôt match de premier tour que de 8e vraiment de finale, quoi. Donc bon, après, donc logique pour la Pologne. On va peut-être pas passer des heures là-dessus, je pense que... tous globalement compris que c'était un match de merde et que la Pologne ça va être chiant même au quart de finale. on va continuer. Bon, la Suisse juste pourra se consoler avec le plus beau but du tournoi, je pense. Shaqiri nous met une magnifique bicyclette. C'est à ce niveau, c'est pas mal. Bon, après, vu ce qu'il avait montré avant, c'est le minimum, on va dire, mais. Effectivement. Non, mais oui, c'est un très joli but. Surtout qu'il est en train de reculer, il est entré de la surface. Non, très joli, ça va se retourner. Pour rien, dommage, mais c'était bien. Encore un mot à dire ou ça vous va? C'est bon. C'est bon pour moi. Ouais. Hein. On va du coup passer au match suivant, qui s'est joué le même jour. Pays de Galles contre l'Irlande du Nord. Une victoire 1-0 des Gallois sur un but de Mac Olley contre son camp. Alors, c'était pas extraordinaire non plus. Franchement, le match a été aussi chiant. On était quand même pas super gâtés sur cette journée. Hein. On peut même dire que c'était de la merde. Hein. Ouais. Hein. Ouais, je crois aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce match Pays de Galles, Irlande du Nord, qui franchement avait plus sa place en éliminatoire qu'en huitième de finale. Une seule chose à dire, Will Griggs on fire, quoi. Ouais, ouais. Surtout. Et on a vu les, à quel point comme il s'est fait accueillir à Belfast quand il est rentré cet après-midi. Il aurait pu faire rentrer en jeu quand même. Et ouais. C'est ouf, c'est quand même, le mec c'est quand même la star de l'Euro, il a pas joué une seconde quoi de tout l'Euro. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Mais après bon, est-ce que l'Irlande du Nord pouvait faire autre chose? Parce que franchement c'était... Non. Non, hein. Non. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu ce match en fait? Non, je ne l'ai pas vu. Non, mais... non. Non plus. Ouais. Pareil, moi, j'étais en route. Je l'ai vu, mais je ne m'en rappelle plus. C'est quand même. Non, c'est que je l'ai vu vraiment, hein, mais je ne m'en rappelle plus. T'as dormi devant quoi? Non, j'étais en train de picoler avec un pote, mais non, c'est. Ah, c'est ça peut expliquer quelque chose. Alors. Oui, oui. Bref, du coup, voilà, les Gallois qui vont. Qui passent en quart, hein, qui oui, vont affronter la Belgique. Ça ne va pas être la même, on verra s'ils arrivent à sortir, à élever un peu leur niveau de jeu. C'était quand même pas extraordinaire. Comme les Gallois contre l'Irlande du Nord, ça a quand même été 7 tirs encadrés. C'est quand même pas fou, hein. On a l'arrivée en guest star de Ferdi qui vient d'arriver dans le grand podcast. Salut Ferdi. Salut. Et du coup, juste à temps pour une des perles de ce tournoi, le 8e de finale magique entre la Croatie et le Portugal. Le Portugal qui a gagné 1-0 avec un but de Quaresma dans les prolongations à la 117e minute. Une purge absolue, une déception énorme pour les Croates, que moi je voyais vraiment aller loin, qui n'ont pas su rien faire du tout à aucun moment. Je vous laisse vous régaler, allez-y. C'est de la merde. Grave, j'y étais dans cette purge, c'était de la merde. Ah non, mais franchement, les Croates ont été dégueulasses, quoi. C'était. Ah non, mais j'ai jamais autant regretté d'avoir acheté des places pour aller voir un match. Ah, t'es allé au stade? Ah, oui, j'y étais. Les Croates, putain. Dégueulasses. Les Croates. Ah ouais, non, mais. Le match, c'est les Polonais. Les Portugais, pardon. Les Croates, l'arbitrage. Enfin, le match, quoi. De merde. Oui, c'est affligeant, ouais, je pense. Mais... Enfin, quand tu regardes les stats des Croates, c'est ouf. Ils ont tiré 17 fois, ils n'ont pas cadré une seule fois. C'est pas mal. T'as 17 tirs pour les Croates? Moi, j'ai 8 tirs, moi. Temps réglementaire, 11 tirs au total dans le match, 0 cadré. C'est dur pour aller en quart de finale, quand même, c'est compliqué. Ah, bah, le Portugal l'a fait sur son premier tir cadré, donc. C'est juste. Portugal, du coup, est-ce que c'est un vol? Ah oui! parce que déjà, on est d'accord qu'avec cette formule à 24, ils se sont retrouvés en 8e alors qu'ils n'auraient pas dû être en 8e et ils se retrouvent en quart quand même en faisant un non-match absolu. Bah, un vol pour moi, non. Un viol, mais oui, mais complètement. mais qu'est-ce qui branle là, les mecs? 3-4 matchs en 90 minutes, pas une victoire, ils sont en quart de finale. Mais qu'est-ce que voilà, c'est que cette honte, sans déconner? Attends, et tu vas voir qu'ils vont aller en finale sans aucune victoire dans le temps réglementaire, ils en sont capables. Les maçons contre les plombiers, c'est encore eux qui vont passer, quoi. On dirait un match de corps prochain. Donc voilà, Croatie-Portugal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire vraiment pour Portugal? Est-ce qu'ils ont un truc à faire en demi contre une décevante Pologne? Est-ce qu'on est-ce que c'est possible qu'on se... Est-ce que vraiment on peut se retrouver en demi-finale, quoi? Non, ça va être le match du bétonnage, là, c'est clair et net. Ça va être. Je pense que là, ouais, je pense que ça va être le match le plus chiant de l'Euro qu'on va voir. Généralement, c'est quand on s'attend à un match comme ça que généralement ça s'ouvre un peu. Est-ce que le Portugal a le moyen peut-être de se réveiller un petit peu dans le jeu? Parce que même si ça n'a absolument rien montré, est-ce qu'il n'y aura pas un déclic à un moment ou à un autre? Quand même, les mecs, ils sont quand même en quart de finale de l'Euro, ils n'ont rien montré. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, Sur ce que j'ai vu dans le match, moi, perso, j'ai pas vu de joueur capable de foutre le petit grain de folie qu'il fallait. À la limite, le petit Renato Sanchez qui a mis un peu le bouillon quand il est rentré. Mais ça joue trop pour sa gueule, ça veut chercher le dribble qui va faire la différence plutôt que de jouer collectif telle une équipe islandaise par exemple. Non, honnêtement, le déclic il va être dur à trouver, à moins que Ronaldo devienne le Ronaldo du Real, mais. Mais du coup, pareil, que... alors que la Pologne se réveille aussi, alors s'ils veulent passer. Après, on dit ça depuis le début de l'Euro pour les Portugais. Hein. On dirait, ils vont se réveiller. Ça fait 4 matchs et c'est toujours aussi dégueulasse. Donc je pense pas que ça va changer maintenant, quoi. Eh bah, ben, la réponse, c'est quand c'est vendredi soir, je crois, ce magnifique Pologne-Portugal, à moins que ce soit jeudi, je sais pas. Jeudi soir. Je pense tout de suite que je ne m'affigerai pas ça et que je ferai autre chose. Il va falloir du courage pour le voir, celui-là. Du courage ou des bières. Ça y en aura toujours, il n'y a pas de problème hein, de toute façon. On va enchaîner parce qu'on a beaucoup de trucs à dire sur le match suivant. France-Irlande, dimanche à 15h, 2 buts à 1, un doublé de Griezmann contre un penalty de Brady. Un match quand même largement dominé par la France, même si ça, on a passé une sale première mi-temps quand même, parce que l'Irlande qui marque son penalty à la 3ème, il commence à défendre et à gagner du temps à la 6ème minute. C'est pénible. Et la première mi-temps a quand même été à chier avant que ça commence à se réveiller un petit peu. Allez-y, faites-vous plaisir. L'Irlande qui était soi-disant un super club avec un super esprit. Ah, il y en a un putain Hendrick, le gars, mais le gars était tout le temps par terre, quoi. Ça, au bout d'un moment, soit tu sors, soit tu. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Ouais, je suis pas d'accord. À un moment, les Irlandais, ils sont là sur un concours de circonstances un peu. Les mecs, ils ont tout qui tourne pour eux. Ils ont le pénalty d'entrée de jeu. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent? Ils allaient pas attaquer comme des ânes à tous se balancer vers l'avant. Ils ont essayé d'être solidaires en défense. Ils ont joué en contre. Ils auraient pu nous en foutre un deuxième quand même en première mi-temps. Soyons lucides là-dessus. Après, ouais, bon, l'autre, il est tout le temps par terre à bouffer du gazon au point qu'on peut penser qu'il est lesbien, mais bon, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur reproche? Moi, je suis désolé, je suis un peu admiratif de ce qu'ils ont fait en première mi-temps. En deuxième, on a remis les pendules à l'heure, on était au-dessus, c'est tout. Hein. Non, mais de là à tenter de gagner du temps dès la 7ème minute, c'est. Ouais. Là, mec, il y a encore 83 minutes à jouer derrière, quoi. Ouais, mais je sais pas, moi, ça. Enfin, c'est clair que dans l'esprit, c'est pas beau, tout ce qu'on veut, mais. Enfin, les Irlandais, ils voulaient qu'ils fassent quoi en plus de ça? Ils menaient 1-0. Les actions qu'ils ont eues, ils ont tenté de les mettre au fond. Moi, je leur reproche pas grand chose. Par contre, c'est plus à nous qu'à mon avis, il y a des choses à revoir, quoi. Mais, parce que eux, ils se sont clairement battus avec leurs armes, quoi. Ouais. Il y en a qui étaient au stade pour voir celui-là. Je ne sais plus où ils se jouaient celui-là. À Lyon. Dans le plus beau stade de France. Ok. Ferdi, il est toujours là avec oui. nous. Oui. Oui. Alors toi, t'as kiffé ou pas? Ouais, la deuxième mi-temps, oui. La première, non. Après, comme je sais plus qui c'est qui disait, c'est Potaval qui disait ouais qu'ils se battaient avec leurs armes. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec eux. Enfin, je sais pas, les mecs, ils sont là, ils mènent 1-0 au bout de 3 minutes contre le. L'un des favoris du tournoi qui joue à domicile, faut les comprendre aussi, quoi. Je sais pas, ils sont pas là pour faire le jeu. Après, ouais, tu es là, tu te roules par terre, machin, etc. Mais bon, si on était dans le même cas qu'eux, on n'aurait rien dit. Enfin, c'est inespéré pour eux d'arriver là à 3 minutes et de mener. Après, en plus, je sais même pas s'ils s'étaient préparés à avoir une situation comme ça. Du coup, je sais même pas si. Oui, c'est clair, ouais. Autant ils savaient pas quoi faire hein, et ça les a mis dans la merde au final. Ben, y a un truc, non, mais c'est clair, de devoir mener à la troisième et arriver à tenir en disant bon, c'est un truc à faire, qu'est-ce qu'on fait quoi. Perso, moi j'avais pas peur, hein, je sentais vraiment qu'on allait retourner le truc, mais. Ils allaient finir par se fatiguer, par faire une erreur quoi. Donc, oui, voilà. Après, on a accéléré sur quoi? Sur 10 minutes, on met 2 buts, ils prennent un rouge quoi, c'est un peu ça quoi. Ouais, alors attendez, parce que là, moi je veux bien, mais à un moment, je pense que le calendrier de l'Euro il nous est quand même sacrément favorable. Parce que les Irlandais ils ont eu 3 jours de récup de moins que nous. Les mecs sont rincés, ils se sont tapés un premier tour, il a fallu qu'ils bataillent contre l'Italie pour pouvoir passer, quand même. Ouais, mais ça, tu peux rien. Non, mais attends, on n'y peut rien, certes. Ils n'avaient qu'à finir premier, voilà. Ouais, non, mais on n'y peut rien, certes, mais à un moment, faut prendre tous les facteurs en compte dans ce match-là. Et je pense que. Ouais, mais ça, c'est pareil dans toutes les compétitions. Quand tu es en Ligue des Champions, tu joues le mardi ou le dimanche, mais c'est pas, c'est toujours pareil. Ça. Ouais, mais ça arrive pas en fin de saison avec la moitié des mecs comme ça, ils sont en moitié. Bon, tu me diras, je suis le premier à gueuler parce que les joueurs, ils disent qu'ils sont fatigués, machin et tout. Mais oui, je suis binaire. Mais non, mais là, sur le coup, je trouve qu'on a quand même sacrément profité parce qu'à la fin, ils sont rincés, quoi, les mecs. Ils sont tous liquides, les pauvres. Oui, oui, mais bon, dans un cas inverse, ça aurait pu être une autre équipe dans ce cas-là. Et donc après, c'est un peu le hasard, quoi, qui fait que. Ben voilà, ça me choque pas, quoi. Non, mais là-dessus, c'est pas question de revenir là-dessus. Mais après, sur notre deuxième mi-temps fabuleuse, machin, faut peut-être remettre 2-3 trucs en perspective. Enfin, à mon avis aussi. Hein. Enfin, juste à mon avis. Non. Fatigue, pas, on les a mangés. Techniquement, tactiquement. Ah oui, il y a quand même eu des espaces. Il y a quand même eu des espaces, il y a quand même un moment où ça, ils allaient finir par lâcher, avec ou sans fatigue. Sachant qu'en plus, c'est des joueurs irlandais qui jouent pas 50 matchs par saison non plus, la plupart. Attendez, vous trouvez qu'on les a vraiment bouffés avant la 66e et qu'ils prennent le rouge, qu'ils soient un moins? Le travail de Sapp a marché pour moi, en tout cas. En tout cas, tout ce qui a été fait, même si c'était compliqué, ça a marché. Il y a eu un calme qui a réussi à être gardé alors que c'était pas évident, et il y a eu un travail de Sapp qui a fini par payer, ouais. J'entends. Ils nous ont pas inquiétés, quoi, à part Rami, mais bon, Rami, c'est autre chose. Et encore. Je veux dire, à part finalement, il y a trois grosses occasions, voire un peu plus, parce qu'il y en a quand même globalement le ballon. Et ça me fait un petit peu fait peur à 2-1, parce qu'il y a peut-être moyen d'en mettre un troisième pour être un peu plus tranquille, mais au final. Alors on s'est surtout fait peur, c'était à 1-0 quand même. Il y a deux actions, je crois que c'est 22e et 42e, où ils sont à deux doigts de nous en. Lloris sort deux gros arrêts. C'est vrai que sur la deuxième mi-temps, je suis d'accord qu'on les a bouffés, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont facilité ça. Maintenant, ça serait quand même bien qu'à un moment, on commence à débuter nos matchs un peu sérieusement. Parce qu'on remonte. Je pense que c'est la pression qui fait ça. Ils doivent se mettre une pression énorme et ça doit leur couper les jambes. Surtout que chaque match, c'est les favoris. Donc je pense que les mecs, ils se mettent une pression énorme. Après, arriver en demi, si on va en demi, on sera clairement pas favori. Je pense que ça peut être changer le jeu. Ce qui est sûr, c'est que ça va être exactement le même profil de match en demi quand on en parlera tout à l'heure contre l'Islande. Parce que, encore une fois, c'est pas un favori. Encore une fois, c'est une équipe qui va jouer tout derrière et qui va jouer avec les tripes. Et ça va être un match encore difficile. Attendre en tout cas. Bien sûr. Tu penses pas? Parce que hier, je me suis un peu énervé quand j'ai entendu Fernandez et De Saï sur Bein dire qu'on est en demi, on est en demi. Je sais pas, le match de dimanche, il a servi de leçon à personne. C'est ça. Globalement, au niveau des joueurs, il y a pas mal de joueurs qui sont un peu décriés depuis le début de l'Euro, en tout cas, qui n'ont pas l'air de jouer apparemment à leur vrai niveau. Je pense notamment à Griezmann ou à Pogba, sur lesquels on ne parle que d'eux. Est-ce qu'ils ont fait leur match pour vous? Griezmann, clairement. Là, on peut pas dire grand-chose, quoi. Il m'a doublé, provoque un rouge, quoi. C'est... voilà, donc faire plus, c'est un peu compliqué, quoi. À part mettre un troisième but, mais sinon, moi, vraiment le joueur qui m'a inquiété sur ce match-là, c'est Rami. Mais bon, il sera pas là en quart, donc voilà. Après, sinon, les autres, Est-ce que Mathieu était meilleur une fois replacé à gauche en deuxième mi-temps? Est-ce qu'il a pas fait sa meilleure mi-temps de l'Euro, en fait, tout simplement? Si, clairement, mais c'est surtout tactiquement. Enfin, c'est pas autant les joueurs individuellement, c'est tactiquement qu'on a été. On n'a jamais fait un match complet en étant bon tactiquement de la première à la 90e. Il y a toujours eu une mi-temps ou un peu plus, mais où on était bon. Mais sinon, après, c'était difficile et il y a toujours eu un joueur où, surtout au milieu, c'était le plus compliqué entre Pogba et Matuidi, qu'on n'a jamais réussi à faire une mi-temps, enfin voire tout un match, oui, ensemble. Les inverser, ça n'a pas été une bonne idée au final, quoi. Non, pas du tout. Non. Ça n'a rien changé. Matuidi, il a été transparent en première. Par contre, moi, je pense que c'est le fait de jouer avec un Griezmann plus haut dans l'axe, aux côtés de Giroud, ça change tout et ça libère beaucoup plus le milieu, je trouve. Et passer une sorte de 4-2-3, enfin même voir un 4-4-2 avec du coup une charnière Matuidi Pogba ou Kanté Pogba avec deux ailiers, du coup par exemple Payet à gauche et par exemple Coman à droite, et d'avoir Giroud avec Griezmann qui tourne autour de lui, est-ce que ça pourrait être intéressant? Parce que finalement c'est dans ces positions-là que ça, les buts ont été marqués. Ils sont complices, hein, le Giroud et Griezmann sont très complices dans ces positions-là. Et tu vois que Giroud remise bien pour Griezmann, qui a la qualité de percussion et qui peut faire mal aux défenses derrière. Quoi. C'est ça. Est-ce que Griezmann n'est pas plus utile, un peu plus dans l'axe, que totalement isolé sur un côté, faisant un ailier? Pour moi, oui, parce que c'est clairement son poste, c'est le poste où il joue à Atlético. Atlético, ouais. Et c'est dans ces positions-là où il a été le meilleur. Et puis Giroud et Griezmann, ouais, combinent super bien. Ils sont très complémentaires les deux. Enfin, leurs deux profils sont très complémentaires. De toute façon, mais c'est même pas qu'ils sont complémentaires. C'est que de toute façon, Giroud tout seul, c'est compliqué parce que il est pas rapide, il est pas ultra technique, il est très bon en remise, il est quand même pas dégueu de haut but. Mais les remises, il faut bien qu'il les fasse à quelqu'un. Donc si c'est les ailiers qui lui font des centres et lui qui remise pour personne, c'est pas super intéressant. Je crois qu'on a vu que son jeu de tête est pas extraordinaire non plus. Donc ouais, est-ce que c'est pas la solution, quoi? Moi, si tu veux, plus que savoir si c'est pas la solution ou autre, c'est comment ça se fait qu'on en est encore à se poser ces questions-là, quoi. On est en quart. Ouais, mais d'autres équipes, il y a beaucoup d'autres. Enfin, la majorité des autres équipes qui sont en quart aussi, elles ont leur schéma, elles ont leur truc. Comme le Portugal. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal d'être en quart. Oui, mais leur, le Portugal, ils ont leur certitude de merde. Mais ils ont il a changé 3 ou 4 joueurs pour le 8ème. Il a fait rentrer il en fait. Non, arrête. Ah, c'est normal qu'ils mettent de la fonte pour bétonner. Mais sa certitude, c'est quoi au portugais? C'est de blinder derrière et de ne pas prendre un but et d'essayer de miraculeusement passer. Nous, j'ai l'impression qu'on... Ce qui fonctionne jusque-là. Hein, pour l'instant, oui, oui. J'espère qu'ils vont quand même se faire démonter la tuyauterie par les Polonais. Mais moi, je ne sais pas. Alors, sans aller vers le démontage en règle que j'ai entendu sur certaines radios ou autres après le match, moi, je trouve qu'il y a quand même des... Enfin, pour une équipe qui s'est tapé 2 ans de matchs amicaux avec des préparations et autres, je trouve qu'on n'est franchement pas au point. Dernièrement aussi, on a perdu des joueurs et des comment dire... des cadres, mais surtout des satisfactions qu'on avait, du genre Varane, Sako, du genre Benzema, Valbuena. C'était des joueurs qui étaient quand même titulaires dans le schéma de base de Deschamps, et au final, ils sont pas là à l'Euro, donc forcément, Des absents majeurs, il y en a dans toutes les sélections. Pas 4 d'un coup, là. Ouais, il y en a plus dans d'autres équipes. Tu peux pas dire que Valbuena, c'est un absent majeur. Non. Sur la saison qu'il a fait, non, mais sur... c'était quand même un titulaire de Deschamps, donc bon. Et puis Valbuena. Valbuena, entre guillemets, a jamais trop déçu non plus avec l'équipe de France. Non, mais bon, je veux dire, il y a clairement Payet qui a venu prendre sa place. Oui, ça, on est d'accord. Pour le coup, c'est une méchante réussite, quoi. Ça marche vraiment très bien. Si tu regardes même l'Allemagne, ils ont mis 2 ou 3 matchs pour se rendre compte qu'il fallait mettre Gomez en attaque aussi. Ouais, clairement. Voilà. Et ça marche. Et puis après, faut dire qu'on l'a perdu, un trio peut-être important, Varane, Sako, Diarra, c'était les trois quand même étaient normalement titulaires. Je suis plus d'accord avec ça. Même Benzema, pour moi, il manque pas dans le jeu. Non, pas du tout. Mais vraiment, ces trois-là, c'était peut-être les trois hommes de base de Deschamps, et en un mois, il a perdu les trois, quoi. Donc il a fallu... Diarra, c'était un homme de base? Il est devenu à la fin, c'était un homme de base, ouais, clairement. Après, ça va quand t'es à le niveau et que du coup il passe très bien il prend très bien le témoin. Mais Diarra, il aurait pu vraiment plus devenir un homme de base de l'Euro. Ouais. Ouais, encore que, il a quand même fait une fin de saison pas terrible. Pour moi qui ai suivi l'OM toute l'année, je peux vous dire que Kanté, il mérite largement plus sa place que Diarra sur la. Mais il me semble, oui, quand même. Enfin, moi, pour l'instant, pour le coup, Diarra, quand j'ai appris sa blessure, j'étais limite content, quoi. Après, il a joué toute la fin de saison blessé, donc je sais pas si ça a pas aidé aussi, quoi. Mais non, qui est blessé, c'est juste qu'il voulait se réserver pour l'Euro, sauf qu'il s'est vraiment blessé à la fin. Tout le voilà. 6 mois, il y a une hype autour de lui, tout le monde s'est chauffé, même quand il faisait des matchs médiocres, t'avais tous les journalistes qui étaient là, oh, Diarra, exceptionnel, enfin, faut arrêter. Hein, c'est le 6 qui manque au PSG, tout ce que tu veux, voilà, mon cher. Faut arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match finalement qui a été chiant entre la France et l'Irlande, mais qui nous a vu nous qualifier pour les quarts de finale? Justement, j'allais te le dire. Moi, je trouve qu'on l'a charcuté pendant un moment, mais sur ce match, je l'ai trouvé vraiment propre. J'ai trouvé aussi. Après, moi, Evra, je l'aime bien, hein, donc je suis en train de le défendre. Parlez pas mal de Patou, sinon ça va partir. Hein, voilà, mais, je l'aime bien et je trouve qu'il a fait un bon match et qu'il a montré qu'il avait le niveau pour être là, quoi. Ah oui, complètement. Donc on verra après, bon, c'est pas contre l'Islande qui va galérer. Au niveau des points de vitesse, ça va aller aussi. Mais est-ce qu'on veut... Il y a toujours ce doute au niveau de cette équipe de France. J'ai envie de les voir contre une grosse équipe. J'ai envie de les voir. Et ça va pas arriver pendant la demi. S'ils arrivent en demi, c'est quand même dur, quoi. Et puis ils vont cash prendre un très très gros. C'est ça. Ça va pas être un palier, là. C'est qu'après... C'est quoi le plus dur? C'est de jouer des grosses équipes en essayant de tout donner parce que c'est super compliqué? Ou en jouant ces sortes d'outsiders qui mettent tout ce qu'ils peuvent, mais à la fois il y a des grosses lacunes? Mais... Pour moi, c'est compliqué. Pour moi, tu arrives à lever ton niveau quand tu joues au milieu de grandes équipes et que tu te mêles dans tout ça. À force de jouer contre des équipes médiocres, j'ai peur qu'ils perdent un peu la foi. Je sais pas. J'ai peur que ce soit une boucherie si c'est l'Allemagne, par exemple, qui passe, quoi. Mais bon. Je reste sur ma marotte. Je pense que cette équipe, elle est faite pour procéder en contre. Mais par contre, ce que je pensais être de la solidité défensive avant, on l'a plus vraiment, notamment du fait des absents. Et c'est ce qui me fait peur. C'est que si on veut jouer le contre des grosses équipes. Ça va être compliqué. Ça va vouloir s'intéresser très, très, très solide. Pareil si tu te fais chier. Hein. Après, si tu regardes les scénarios qu'on a eu au niveau du score, c'est des trucs qui peuvent te souder une équipe, quoi. C'est ça. La Roumanie, tu gagnes à la fin. L'Albanie, tu gagnes dans les arrêts de jeu. Là, tu es mené 1-0 au bout de 3 minutes, tu arrives quand même à gagner. Enfin, ça peut te forger quelque chose. Après, il faut voir si ça peut tenir tout le long. Ah, ça fait trois scénarios de suite. Si forger, il y avait eu besoin, je pense qu'on l'aurait fait avant. Enfin, à l'inverse, ça peut te plomber le moral. Tu peux te dire, on a joué contre des équipes qui étaient beaucoup plus faibles, on a galéré pour gagner, quoi. Beaucoup plus faible, ouais, je sais pas. Hein, tu joues contre des équipes qui jouent pas au foot. Mais c'est ça. Non, franchement, moi, je me fie plus devant une Islande que devant, tu vois, genre une Italie ou quoi. Je sais pas, je suis plus confiant contre l'Italie, par exemple. C'est peut-être con, mais je sais pas, c'est comme ça. T'es fou, toi. Moi, personnellement. Faut arrêter. Personnellement, je suis du cul face aux deux. Oui. Faut arrêter. De toute façon, on va gagner, on s'en bat les couilles. Voilà. Tu te dis que le pire finalement c'est que tu vas jouer peut-être la plus grosse équipe du tournoi. Enfin, tu vas avoir la plus grosse confrontation du tournoi. Enfin, si tu passes en demi-finale, quoi. Parce qu'après en finale, il y aura toujours. Tu peux toujours dire que la Belgique est encore, mais le sinon... Portugal, ça va être compliqué, tu vas voir. Ouais, non. Non, par contre, il y a un truc, c'est que si on arrive en demi et qu'on ose nous dire ouais, on a fait un beau parcours, etc. Là, faudra pas nous prendre pour un con, quoi. Tu as éliminé l'Irlande, l'Islande, etc. Enfin voilà, c'est limite normal, quoi. On a fait des éliminatoires pour l'instant. Alors, on va continuer sur le match suivant. Enfin une vraie équipe. L'Allemagne battre la Slovaquie 3-0, début de Jérôme Boateng, Mario Gomez et Julian Draxler. Un match plus ou moins à sens unique, même si les Slovaques ont quand même fait ce qu'ils ont pu, ils ont joué avec leurs armes. C'est logique, hein, on est d'accord. Ouais. Totalement logique. Franchement, enfin... est-ce que l'Allemagne a vraiment s'est mis en route? Oui, je pense que là... Il faut commencer à faire peur, quand même. Là, ouais, j'en parlais dans un podcast précédent, je disais que moi, je les sentais vraiment bien, et que quand ça se mettre en route, ça va être méchant. Ben, ça y est, quoi. Ils ont quand même roulé dessus. Après, ça reste aussi que la Slovaquie. C'est ça. C'est peut-être la pire équipe du tour, enfin, des huitièmes, donc bon. On a dit ça de la Suède, on a dit ça de l'Irlande du Nord. À un moment, les gars, il va falloir faire une hiérarchie dans les poulets, quand même. Des huitièmes, j'ai dit des huitièmes. J'ai pas dit du tournoi, j'ai dit des huitièmes. Parce que franchement, je pense que la Slovaquie, tu mettais pas l'attaquant, ça faisait la même. Hein. C'est ça, quoi. Ils doivent. J'étais aussi au match Russie-Slovaquie. Ils doivent leur victoire contre les Russes, surtout sur deux éclairs de génie de Weiss et Hamzic. Le reste, devant, c'était pas forcément brillant non plus. Donc, ils avaient pas d'attaque. La défense, hormis Skrtel, qui est vite dépassé, ben, t'y es vite aussi. C'est pas flamboyant comme jeu et comme équipe, quoi, surtout. Tous les matchs que tu fais au stade, c'est des matchs de merde, en fait. Ouais, voilà. Tu vas en voir un bientôt ou pas? Tu devrais revendre tes places, apparemment. Non. Non, j'ai rien de prévu, là. Enfin, de toute façon, avant l'écart, ils sont, on peut dire qu'ils sont prêts, quoi. Là, c'est clair et net que pour se mettre en confiance, il y avait pas mieux, quoi, clairement. Ouais, je sais, j'ai peur. Du coup, l'Allemagne, ouais, du coup, Mario Gomez en pointe, on est d'accord. Du coup, ça marche à mort. Il y a une vraie cohésion d'équipe. Ouais, tu retrouves un petit peu surtout l'esprit qu'il y avait avec Klose devant, quoi. Le mec qui est là pour mettre le but de merde, mais qui est là pour le mettre quand même, quoi. Et encore, t'as un but de merde, ça va quand même. Ouais, voilà, après. Moi j'aime bien Mario Gomez, donc après, en grande brute. Non, mais ouais, l'Allemagne, ils ont quand même été. Ils vont faire mal, quoi. Jusqu'au bout, ils vont faire mal. Après, ils ont un effectif qui s'est taillé pour. Quand tu vois que c'est Draxler qui rentre, qui est titulaire et qui te met un but, une passe D. Ils ont un effectif bien, bien fourni, même au niveau de l'attaque, quoi. Donc, Draxler, il est quand même super inconstant. D'un match à l'autre, ça peut être une. Oui, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je le suis depuis qu'il est à Schalke, et c'est vrai que c'est un peu tout ou rien, mais. C'est tout. Et je pense qu'avec avec la motivation de gagner un euro, la motivation de Joachim Löw, ça peut faire mal aussi. Donc, Après, je crois que c'est dans un précédent podcast où on pointait le fait qu'ils n'avaient pas trop de latéraux. Je trouve que Kimmich, quand même, c'est plus qu'honnête. Hein. C'est vraiment plus qu'honnête. Surtout Hector, que c'est pas son poste. Ouais, et il s'en sort très très bien, franchement. S'en sort très très bien. Au milieu, c'est souverain au possible. Cross qui est dira aux îles. C'est de la régalade. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce match? L'Allemagne, ils vont faire mal en quart, quoi. On n'espère pas pour toi, mais... Ah oui. Bon, moi, je m'y attends déjà, c'est pas grave. Moi, c'est bon, il fallait battre l'Espagne. On en parlera juste après. Alors, attends, juste, moi, enfin, petit truc, je sais pas si vous partagez l'avis ou pas, mais j'ai l'impression, enfin, moi, l'impression que ça me donne en comparant les deux jeux, c'est que l'Allemagne, c'est un peu le jeu de l'Espagne, mais privé des 50 passes inutiles avant. Ben, c'est un peu ce qui se passe en Allemagne depuis, ben, hors ce que fait Guardiola, mais quand tu vois le jeu de Dortmund, par exemple, même cette année, notamment toute leur campagne qu'ils ont fait en Europa League, c'était quand même, le jeu était quand même extraordinaire, toujours porté vers l'avant, ultra offensif, ultra large. C'est efficace. Pour moi, c'est du vrai football, c'est ça du football, c'est que ça va vite vers l'avant, c'est précis dans les transmissions, ça tente des choses, et c'est efficace au final. Et ça change, ça fait du bien, quoi. Après, c'est pas bon, les stats, on leur fait dire à peu près ce qu'on veut, mais je sais plus où est-ce que j'ai entendu ou lu ça, que l'Allemagne est dans le top 3 des équipes qui font le plus de kilomètres parcourus par match. Et que c'est pas forcément par leur pressing ou autre, c'est qu'en fait les mecs sont tout le temps en mouvement, font des fausses courses, enfin des faux appels, pour libérer justement certains des autres joueurs, et c'est fait. Mais j'ai regardé ça un peu sur la dernière partie du match contre la Slovaquie, et c'est vrai que les mecs en fait bougent tout le temps, sont toujours au service de l'autre. Pour le coup, c'est une vraie équipe, c'est un vrai collectif. Moi, j'attends de voir contre une défense qui est vraiment bien rodée, donc pour ça j'attends le quart avec impatience, mais je trouve que c'est vraiment le jeu de l'Espagne, mais privé de tous ces trucs inutiles qu'on a pu voir contre l'Italie, contre la Croatie. Et je trouve, enfin, pour moi, c'est vraiment c'est le foot, quoi. C'est le foot, et je suis très content d'aller les voir le week-end prochain. Eh ben, très bien. On va passer au 8e de finale suivant, qui a vu la Belgique détruire la Hongrie 4-0 dans un match relativement plus équilibré que le score pourrait faire paraître. Alors, je suis en train de chercher des buteurs, parce qu'il n'y a que 3 buteurs sur plus équilibré. Les buteurs, c'est Alderweireld, Batshuayi, Hazard et Carrasco. C'est Carrasco, j'ai pas le dernier but, c'est ça. Pour ce match-là, les Belges ont gagné 4-0, c'est clair, mais je trouve que le score est quand même sévère, quoi. Parce que ils ont eu chaud au cul, quand même. Sur certaines actions, ils ont eu chaud. Bah, tu vois les trois buts. Les trois derniers buts, c'est. Les trois derniers buts, c'est à la fin du match, c'est en contre, et le score, en effet, reflète pas forcément la physionomie du match. Mais ils ont su concrétiser au moment où il fallait aussi. Là-dessus, je les ai trouvés dominants pendant tout le match, les Belges. Des occasions en veux-tu en voilà, le gardien en face, il sort le match de sa vie. Non, pour moi, il n'est pas si. Après, le score est pas. Il est peut-être sévère, mais la victoire des Belges, elle est méritée, hein, ça, on est d'accord. Ouais, mais sévère, franchement, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il y a les 4 buts d'écart entre ces deux équipes. Hein. Alors pourtant, je les ai bâchés, hein, les Belges, hein, en disant que derrière, c'était quand même laid, tout ce que tu veux, machin. Mais c'est quand même efficace, c'est quand même super efficace devant. Mais par contre, c'est derrière, quoi. Et derrière, là, effectivement, ils sont tombés sur une équipe un peu faiblarde à l'attaque. Après, ils se sont réveillés aussi, les Belges, parce qu'ils ont fait un mauvais début d'Euro. Et depuis le troisième match, ils se sont mis en route. Et ça commence à faire mal aussi, offensivement, depuis qu'ils ont remis De Bruyne dans l'axe. Est-ce que la gifle contre l'Italie les a pas forcément remis à leur place directement et permis de les reconcentrer, eux qui se voyaient peut-être déjà trop beaux, on va dire? Je sais pas, faut voir. Ouais, possiblement, ouais. Après, ils ont quand même du cul de tomber sur le parcours le plus facile, entre guillemets. Ouais. Je suis pas persuadé que dans l'autre tableau, ça se soit passé aussi facilement. Mais ils finissaient premier et tombaient sur l'Espagne, je suis pas sûr que ce soit la même chanson, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Après, offensivement, je trouve beaucoup mieux, mais défensivement, ils font toujours aussi peur, hein, pour moi. C'est pour moi, ils sont pas sûrs du tout défensivement, quoi. Le 4-0, tu peux l'expliquer aussi peut-être par le fait qu'ils sont tombés sur une des rares équipes des 8e qui a pas bétonné. Crédit à la Hongrie pour ça. Moi, je trouve ils ont quand même essayé de jouer. Ils ont même plutôt d'ailleurs joué pas mal sur certaines situations. C'est juste que ça manque un peu de talent. Mais on peut pas leur enlever le fait qu'ils s'y sont battus, comme les Irlandais à leur manière, mais eux en étant un peu plus offensifs. Et bon, après, ils prennent valise, les buts d'écart, ils sont là. Mais contre une équipe qui aurait été plus resserrée derrière, comme ça a pu être le cas, je suis pas certain qu'ils se soient baladés autant, quoi. Donc là, c'est bon pour leur confiance devant. Après, ils ont quand même un gros avantage, c'est d'avoir Courtois dans les buts, qui leur en a sorti quelques belles. Oui, il est énorme. Sur le match, ça a tiré, ils ont tiré comme des malades, hein, des deux côtés. Hein. Putain, 25 fois la Belgique, 16 fois la Hongrie, ils étaient chauds. C'est la Hongrie en plus qu'a la possession du ballon, quoi. Pour ce match, ah, ouais. Exact. Ouais, 54% pour les Hongrois et 46% pour les Belges. Exact. Ouais, ouais, après je pense qu'effectivement ils ont peut-être de la chance de tomber sur la Hongrie contre une autre équipe peut-être plus sûre d'elle offensivement. Moi je dis que ça peut faire mal quand même, hein, parce que ouais, ils ont Courtois derrière heureusement, mais alors par contre les quatre de devant, quoi. À part Meunier qui est pas trop mauvais, quoi, mais alors les trois autres, Vertonghen, Vermaelen et Alderweireld, c'est super poussif, quoi. Vermaelen, c'est moi ou il joue avec la charrue, ce mec-là, quand même. Bah, en même temps, le mec a pas joué de la saison au Barça, donc. Il est au Barça, Vermaelen? Oui. Oui, il est au Barça. À l'infirmerie du Barça, mais il est au Barça. C'est ça, voilà, c'est ça. Il passe ses diplômes de médecin au Barça, quoi. D'accord, ok. Bah, putain. Sinon, on a N'Golan, on a le droit de dire qu'il est dégueulasse comme mec. Pourquoi tu dis ça? Et là, N'Golan, quand même, en termes de mec vraiment laid, quoi. Oh là là, putain, c'est pas possible. Ouais, ah oui, alors, ça oui. Par contre, il a une putain de frappe de balle, ce con. Ah, mais il est moche. Très laid, quoi. Oh, quoi, la crête, c'est à la mode, la crête. Bon, ça chiote, quoi. Après, faut-il rappeler la super efficacité de Batshuayi? Ah ouais, c'est un ballon, un but. Bon, par contre, la Brune, il a eu peur, Batshuayi. Il a eu peur, quand même, je pense, la Brune. Sur son supérieur, je pense qu'à mon avis, il devait prier, hein, parce que... Ah, cet enchaînement en plus sur le... Comment il est pas fui, l'enchaînement. Oui. Le truc saccadé au possible. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, T'as l'impression que c'est une célébration FIFA que t'as galéré à faire la combinaison, quoi. Ouais, la console qui commence à laguer un peu, tu sais. Est-ce que vous êtes amusé sur Belgique? C'est bon, vous avez fait le tour? Ouais. Steve aura un beau best-of à faire. Super. On va du coup enchaîner sur le meilleur huitième de finale du coup de la compétition. Italie-Espagne, donc 2-0 pour l'Italie, une ouverture du score de Chiellini et un but de Graziano Pelé dans les arrêts de jeu. Est-ce que c'est une victoire logique de l'Italie? Oui. Ah ben, complètement. Est-ce que c'est plus l'Espagne qui a déjoué que l'Italie qui a vraiment été forte? Non, c'est l'Italie qui a fait déjouer l'Espagne, moi, je pense. Exactement, ouais. Le sens tactique, là, ça a été énorme, ouais. Encore Conte, une fois. Conte l'a montré que c'était quand même un putain de coach là-dessus. Parce que du coup, est-ce que ça a marché un peu le truc j'arrive au tournoi, dire « bon, j'ai pas trop de bons joueurs, je vais faire ce que je vais pouvoir faire », machin. Aussi. Est-ce qu'il le savait pas? Est-ce qu'il a vraiment pas joué sur le tout? Est-ce qu'il s'attendait pas? Est-ce qu'il savait pas le groupe qu'il avait et qu'il a pas un petit peu joué le miséreux alors qu'il avait quand même une équipe qui vaut le coup, quoi? Bon, après, son équipe, elle est un peu diminuée aussi. Enfin, Verratti, ça reste le maître à jouer. Ça reste l'élément clé qui peut déclencher une passe à tout moment fulgurante, quoi. Après, l'équipe, il l'a toujours eu. Donc, quand tu dis qu'il le fait miséreux, oui, il en a joué, je pense. Mais au fond de lui, avec le sens tactique qu'il a, il savait qu'il pouvait... pouvait aller loin. Et après, de toute façon, même s'il tombait, on lui disait que c'était pas grave. C'est ça. Voilà, vu l'effectif qu'il avait, il mais pas risque là non plus. Est-ce que là, ils peuvent faire le même discours contre l'Allemagne? Maintenant, c'est plus possible. Ils sont encore en outsider, hein, face, ouais, à l'Allemagne. Ça, ouais. Ouais, mais en plus, statistiquement, les Italiens réussissent quand même vachement face aux Allemands. Je crois qu'en 8 compétitions officielles, c'est 4 victoires et 4 nuls. Oui, mais bon, c'était pas le cas contre l'Espagne. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas changé de bête noire, en fait? C'est ça, parce que l'Espagne, ça a toujours été la bête noire. Là, c'est passé. En plus, c'est passé. Alors, attention, c'est passé, mais quand même à 1-0. Il y a quand même énormément d'occasions de l'Espagne. Il y a quand même énormément de possibilités de revenir à un partout. Ça a quand même été chaud. Oui. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais avant, je pense que ces absences, elles lui ont servi à faire passer son jeu basé sur la défense et en contre. Parce que là-dessus, personne peut le critiquer de dire ils prennent pas le jeu à leur compte, tout ce que tu veux. Ils peuvent pas, ils peuvent, ouais, pas. Ouais, ils peuvent d'ailleurs, ils sont mauvais en transmission, je l'avais dit sur le forum, et c'est ce qui me fait le plus peur, en fait. Et là, c'est passé, même si franchement, il y a eu beaucoup de mauvais contrôles, de mauvais espaces, encore une fois, et c'est quand même dommage parce qu'il aurait pu avoir un 2-0 beaucoup plus vite, qui aurait quand même évité de tout ce stress, surtout après la sortie de De Rossi, là, assez tôt en seconde mi-temps, où Motta a pas vraiment réussi à prendre sa place au milieu du milieu tout simplement. Oui, oui. Et ça se dit. Oui. Et où du coup l'Italie s'est mis vraiment à subir pendant les 20 dernières minutes, quoi. Pas dérivé. Il y a deux grands gardiens sur le match aussi, hein. Tu dis que l'Italie aurait peut-être pu en prendre un. Derrière, ils sont des parades énormes aussi, hein. Ouais, une ou deux, parce que la plupart du temps, ils ont quand même tiré sur lui, hein. Oui, bah oui, mais il faut qu'il soit là quand même. C'est ça que je, il sort bien. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, c'est un gagnant que j'adore, hein, Manchester, tout ça. Je suis vraiment fan. Je suis content qu'il ait fait une seule connerie. Voilà, il en a fait qu'une, c'est pas grave. Il a relâché un ballon, c'est bien parti, c'est pas grave. Bon, après, il est pas aidé sur le coup. Il y a, je crois qu'il y a que Piqué qui essaie de revenir. Piqué, il est pas aidé par les autres joueurs qui le laissent tout seul, quoi, qui l'abandonnent un peu sur le but. Là, clairement, les Espagnols, je pense qu'il va falloir un jour ou l'autre qu'ils comprennent que leur jeu à la con, là, ça marche plus, quoi. Mais c'est fini pour moi. Là, pour moi, c'est fini, c'est sûr. Là, c'est vraiment, c'est la défaite du tiki-taka pour toujours. Là, je veux dire, très clairement, ça ne marche plus. Les équipes, maintenant, savent comment fonctionner avec ça. Et surtout, ils n'ont plus les joueurs pour le faire. Iniesta, qui était un peu le dernier escapé, je crois qu'il a peut-être le meilleur Espagnol sur le match, il a quand même été très présent. Les autres, tu veux pas demander à Busquets, même s'ils sont en club, ou à Nolito et à Morata de faire du tiki-taka. C'est pas leur jeu, c'est pas leur profil, et ça ne marche plus. Et je crois que je crois qu'en interview post-match, je crois que c'est Piqué qui disait justement que ce style de jeu ne fonctionnait plus et qu'ils allaient devoir changer leur philosophie de jeu parce qu'ils voyaient bien que ça fonctionnait plus de toute façon. On est bien d'accord. Ouais. Attention, avec le coach qui est présenté pour remplacer Del Bosque, ça sera pas. C'est qui est présenté? C'est Luis Fernandez, c'est pas ça que j'ai vu, ouais. Ah, Luis Fernandez. Ouais. Quoi? Non. Je te jure. Non, pas Luis Fernandez, Luis Fernandez, si. Si, le mec de RMC, tout ça, si. Non. Une blague. Pour l'Espagne, arrête. Je te jure. Il fait partie d'une shortlist, quoi. C'est... Ah, mais une shortlist, ouais, d'accord. Ah. Comme Antonetti. Ouais. Non, mais... voilà, quoi. Il a dit qu'il était pas contre, quoi. Bah, tu m'étonnes. Le mec, il fait. Non, mais en plus, il raconte n'importe quoi. Il est devenu. Mais non, mais il est grabataire. Il raconte vraiment n'importe quoi. Je regarde souvent les après-matchs sur Bein, mais c'est une catastrophe, quoi. Il est pire que Giroud, l'équipe 21, qui pourtant, lui, a déjà un pied dans la tombe et il raconte aussi n'importe quoi. Mais de temps en temps, t'as un éclair de lucidité, il te raconte un truc correct. Luis Fernandez, il est à l'ouest. Ça me ferait bien rire en Espagne. Viens. Au moins, on va rigoler. On va vraiment rigoler, il n'y a pas de souci. Ça changera, ça sera bien. Et puis après, avec ses belles expériences, c'est quoi qu'il a fait dernièrement là? C'était le Mali, non? Ou la Guinée, je sais plus quoi. La Guinée, ouais. Avant, il était en Israël, quoi. Putain, tu m'étonnes. Oh, l'Espagne. Non, il est pressenti. Qu'est-ce qu'il a comme palmarès en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'il a un palmarès? Alors, avec Paris, il a gagné une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un Trophée des Champions. Il a été vice-champion de France. Il a gagné une Coupe Intertoto et il a été vice-champion de France. Est-ce que tu peux juste donner la décennie de ses titres? 96, 95, 96, 2001, Intertoto, hein, quand même. Oh, bah, Saint-Etienne l'a gagné aussi. Finaliste en 2003. Ouais, ça fait entre 10 et 20 ans, quoi. Mais je crois qu'il a toujours eu une bonne cote en Espagne parce que à chaque fois qu'il y a un club qui est dans la merde, ils vont le chercher, il arrive souvent à sauver les clubs. Et c'est pour ça qu'il a une bonne cote en Espagne. Mais sa dernière expérience en Espagne, c'était en 2006-2007. Il a entraîné le Betis, ils ont fini 16e. Et ensuite, l'année d'après, en 2008-2009, il a fait Stade de Reims en Ligue 2, il a fini 20e. Non, pour de vrai, en fait, il vaut mettre Antonetti, hein, qui sera vraiment meilleur, il n'y a pas de problème. Sinon, mais moi, je suis meilleur, je pense, hein, il n'y a pas de problème. On est vraiment en train de parler de Luis Fernandez dans le podcast, là, les gars. T'sais. C'est beau. Ouais, oh là là. Bon, on va avancer, effectivement, parce qu'on va commencer à avancer un petit peu. Pour finir ces huitièmes de finale avec la peut-être plus grosse surprise, pas pour tout le monde visiblement, Angleterre-Islande, 2-1 pour l'Islande. Wayne Rooney sur penalty avait ouvert le score rapidement, suivi par Sigurdsson qui égalisait à la 6e avant un but de Sigurdsson à la 18e, 2-1 pour l'Islande, du coup qui a tenu pendant 70 minutes son score. Alors, une Islande qui est vraiment forte ou une Angleterre qui a été pitoyable? Une Angleterre qui a été totalement pitoyable. Il y a des deux, à mon avis. Les deux. Moi, là, je sais plus qui en parlait sur le forum, mais je pense qu'on en attendait vraiment beaucoup trop de cette équipe-là. Il y a quand même des mecs qui sont là. Est-ce qu'on peut tout de suite commencer par parler de Harry Kane et des coups de pied arrêtés? Harry Kane, il a tiré tous les coups de pied arrêtés sur les 4 matchs. Alors, en plus du fait qu'il fasse 1m89 et qu'il ne soit pas dégueu de la tête, il a quasiment tiré tout mal, les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire qu'il a tout tiré mal. C'est un mec comme Rouillet qui sait plus ou moins faire. Pourquoi il tire les coups de pied arrêtés? Parce que Roy Hodgson, et ça c'est vrai, en conférence de presse, je sais plus si c'est après le deuxième ou le troisième match, a quand même déclaré que c'était le meilleur tireur de coups de pied arrêtés d'Angleterre, quoi. D'accord, ben, j'ai pas envie de voir les autres, hein, parce que c'est compliqué. Non, mais c'est comme si les Giroud tirait tous les corners, quoi. Écoute, un des seuls coups de pied arrêtés qu'il a pas frappé, c'est le but contre la Russie, où c'est d'ailleurs qu'il le frappe et qu'il le met dedans, quoi. Donc, je sais pas, Kane, il aurait dû se remettre en question dès le départ et laisser cette tâche à quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'en plus, on lui demande, c'est une consigne. Il a tiré tous les corners, c'est pas possible, c'est une consigne. Qu'est-ce qu'il fout, Roy Hodgson? Est-ce qu'il lui dit grabataire aussi? Est-ce qu'il comprend plus rien? Est-ce qu'il faut pas arrêter d'avoir des sélectionneurs qui ont plus de 70 ans, qui comprennent vraiment plus rien? Parce qu'il y a un moment où, non, mais ça reste un truc qui évolue, un truc moderne, c'est bien beau l'expérience, mais il y a un moment où ça faut arrêter là. Mais surtout, faut que l'Angleterre arrête avec les sélectionneurs anglais. Quel entraîneur anglais a un gros palmarès en ce moment? Quel entraîneur anglais entraîne une grosse équipe? Ben, il y en a pas, quoi. Clairement, comme ça, c'est compliqué. Parce que les mecs ont pas le niveau. Voilà, il faut qu'ils se tournent vers des entraîneurs étrangers, parce qu'au bout d'un moment, enfin, les mecs, ça va plus être possible, quoi. C'est un peu le même schéma que le Brésil, en fait, de ce côté-là. C'est vrai que c'est. Et là, tu dis, mais enfin, Roy Hodgson, il a fait, mais ses choix sont. C'est n'importe quoi. Bon, après, les joueurs sur le terrain sont pas non plus exempts de tout reproche. Parce que Kane, il y a un moment, il a une action de fou. Et il met une tête, c'est limite une passe au gardien adverse, quoi. J'ai une petite stat là, depuis que la première ligue, c'est après la première, donc depuis 93, il n'y a eu que deux entraîneurs de l'année anglais en première ligue. Alors c'est plutôt récent, c'est en 2009-2010 Harry Redknapp avec Tottenham et en 2011-2012 Alan Pardew avec Newcastle. Sinon, il n'y a que eu des Écossais, donc beaucoup Ferguson forcément, quelques Portugais qui sont Mourinho, quelques Français qui sont Wenger. Et puis bon, Tony Pulis à droite à gauche et Kenny Dalglish il y a très longtemps. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'ils sont incapables de former des entraîneurs en fait? Attends, ils n'avaient pas tenté l'expérience avec un entraîneur étranger à un moment? Il y a Eriksson aussi, ouais. Ça ne peut pas dire que ça a beaucoup plus marché. Hein. Non, mais c'est l'équipe aussi, il y a un moment. Et puis même au niveau de son, Sterling, qui a été. Bon, je trouve surcoté, c'est mon choix, c'est pas grave, il peut être très bon à des moments. Ah bah, la livre surcotée en ce moment. Sterling a été pitoyable du début à la fin de l'Euro. Comment tu peux le laisser titulaire? C'est pas possible. Vardy, qui a été le seul truc intéressant offensivement, comment tu le fais rentrer toujours qu'à la 75e? Je ne comprends pas. Je comprends pas ce qu'il branle. Qu'est-ce que tu branles, Roy, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais je pense qu'il va se faire dégager de toute façon, parce que là, c'est pas un Oshi, on t'a dit que Vardy, c'était le Savidan. Non, peu importe, Savidan, mais tes débuts, on s'en fout, là, regarde son niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais s'il est efficace, tu le mets. Je veux dire, aujourd'hui, Olivier Giroud, on est d'accord, c'est pas Van Basten, mais il est utile et il met des buts et puis c'est bon, tout va bien, quoi. Donc, il a démissionné à Hodgson, hein, juste après le match. Très bien, tu m'étonnes, putain, la latch, quoi. Sérieusement. et même maintenir Dele Alli, tu vois. Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris cette équipe. Moi, j'aime vraiment l'Angleterre, j'aime bien leurs joueurs, j'aime bien le championnat, mais. Aller foutre Dele Alli titulaire, aller faire rentrer Rashford parce qu'il a la hype, parce qu'il a fait une bonne demi-saison correcte en tant que bon espoir avec Manchester, c'est n'importe quoi. Après, ça a peut-être été le meilleur quand même sur ce match-là, quand même. Qui Rashford? C'est pas faux. Quand il est rentré, il a joué 3 minutes, calmons-nous, le meilleur. Il a joué 3 minutes, il a raté un passement de jambe. Il a tenté 3 minutes. Il est allé s'empaler sur un Islandais à un moment, c'était quand même scandaleux. Il a récupéré un corner. Mais oui, non, c'était. Il y a une action quand même, tu te dis, c'est un potentiel tout droit ce garçon, quoi. Il va aller s'empaler sur un défenseur pour qu'il joue en pointe. Il finit le nez dans le gazon, mais c'est scandaleux, quoi. Non, moi, pour moi, le seul anglais qui, j'ai trouvé, qui a plutôt fait qui a survolé un peu les autres, c'est à l'arrière 3. Non. Walker, que j'ai trouvé super intéressant au final. Je pensais qu'il était bon que dans FIFA, mais non, il est aussi bon en vrai aussi. Et pourtant, Trivette n'était pas là. Et oui. Oh putain. Bref. Et oui, Joe Hart, on va même pas en parler. Joe Hart, Jockey. Si c'est ça le meilleur gardien anglais, en quoi. Je veux dire, à la base, ça va finir par plus être une légende, en fait, la vérité. Qui disait que James s'était fait découper pour pire que ça? Bien sûr. Bah, ou alors Hart, par contre, je pense que... C'est Phenom qui a dit ça. Ouais. C'était pas James, c'était Green. C'était Green, ouais. Ouais, c'était Green. Ouais. Green, James, même combat. Green est à chier, quand même. Hein. David James, il a quand même été correct. Il a su durer, au moins, dans la connerie et dans le... je crois que George, s'il fait pas sa connerie dans un match, il est pas bien après, tu vois, à la fin du match, il doit pas être bien, parce que à tous les matchs, il fait une connerie, quoi. C'est pas possible, quoi. Et c'est vrai, c'est le meilleur gardien anglais, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? L'Islande, est-ce que l'Islande peut faire sensation dans cet Euro? Ouais. Dur à dire. L'air sûr, hein. Ils ont déjà fait la sensation. Est-ce que ça y est, c'est bon? Est-ce que ça va être ils ont sorti la supercherie anglaise, quoi, c'est tout. Bah, les mecs, ils ont déjà réussi leur Euro. Maintenant, qu'est-ce que tu veux, ils vont jouer c'est ça. Libérés au possible. Ils seront encore plus chiants à prendre. Je pense. Ouais, ça va être dur à prendre, vous pensez, sur contre la France. Ah, on va les démonter. Voilà, ça qu'on entendre. T'es là pour ça, Ferdi. Oui. De toute façon, celui qui dit le contraire aura un avatar de Pétain by Tyler. Le DAO 3, de toute façon, qui le arbore fièrement sur le forum. On va faire un pronostic des quarts de finale, tout simplement. On va mettre même un petit mot sur les pronostics et sur les matchs. Alors, les deux premiers sont un peu moins fringants que les deux autres. Encore plus. C'est le cas de le dire, oui. Donc, le premier, le magnifique quart de finale Pologne-Portugal. On peut s'attendre à un match bien fermé, bien chiant. Je pense que ça va pas battre des records d'audience au vu des premiers matchs. Je vais vous demander au pronostic. Forza, je pense qu'il y aura combien entre Pologne et Portugal? Ouais, victoire polonaise 1-0 dans les prolongues. 1-0 en prolongation. Max, moi, je dis de Pologne 2-1. Mais pendant. Tu vois des buts quand même. Ouais, dans la 90 minutes. Ouais, je pense qu'il y aura des buts. Potaval. Portugal 1-0. Non, putain. Alors, voilà. Si, pour mémoire, allez voir mes pronos de la dernière journée. Oui, la dernière fois, t'avais dit 7-1 pour la Croatie. Ouais. Si, j'avais le bon nombre de buts pour le Portugal. j'avais dit que le Portugal marquerait en premier et que ça allait être une déferlante après. Bon, bah, il restait que 3 minutes, c'est dommage. Ils n'ont pas eu le temps. Scap, moi, je dis 1-0 pour la Pologne dans le temps réglementaire. Ferdi. Moi je dis ça part en sucette, 3-2 pour la Pologne. ça serait bien. Bah, je sens comme ça. Moi je dis un vieux 0-0 et la Pologne tire au but, ça va être dégueulasse. Mais c'est comme ça. Je crois que tu avais employé le caractère chiant comme la lune pour le match de la Pologne, le dernier tour. Ouais. On peut y aller là, je pense. Hein. Oui, je pense que là. Alors, ensuite, le deuxième quart de finale sera Pays de Galles, Belgique. La Belgique, au vu un peu de son réveil, pourra sûrement inquiéter le Pays de Galles, mais qui sera peut-être possible, de faire une petite surprise. Forza, tu penses qu'il y aura combien entre Pays de Galles et la Belgique? Victoire belge 2-1. 2-1. Pour les Belges, Max. 1-0 pour le Pays de Galles. Ouais, j'aime bien. Pota. 2-1 pour la Belgique. Pour la Belgique. Scap. Je vois 2-2 et victoire en penalty, enfin en tir au but des Belges. Des Belges. Ferdi. Un partout et victoire Pays de Galles au penalty. Ouais, ça m'intéresse. Et moi, je pense effectivement aussi que le Pays de Galles va l'emporter, mais alors comment? C'est un vieux match nul. Encore que la Belgique, ils ont du potentiel, putain, si Hazard et tout se mettent en route. Et je dis 2-2 et Pays de Galles. Oh, tir au but. Et les gars, je veux pas dire, mais quand même, si on suit vos pronos pour l'instant, on se retrouve avec une demi-finale Pologne-Pays de Galles. Ça va être pas mal, hein. Alors, celle-là, les gars, franchement, elle vend du rêve. Hein. Ça ferait un beau finaliste. Troisième, le choc de ces quarts de finale, Allemagne-Italie. Moi, je pense que ça va être très, très, très compliqué pour l'Italie, même j'y crois, hein, mais l'Allemagne, c'est un panzer, c'est un truc de fou furieux. Forza, tu penses qu'il y aura combien? Un beau catenaccio italien et une victoire 1-0 de l'Italie. Ok, Max. Moi je dis 2-2 dans le temps réglementaire et victoire de l'Italie en prolongue. Prolongue du coup 3-2 alors. Ouais, 3-2, ouais. Ok. Pota. Reprendre l'expression d'un expert dans le domaine, le classique 1-0 Allemagne. 1-0 pour l'Allemagne, simplement. Scap. Je vois 2-1 Allemagne. 2-1. Ferdi. 2-0 Allemagne. Et moi, je pense aussi que l'Italie va réussir à tenir tout le match en un claqué en fin de match et à l'ancienne, quoi, tout simplement. Et pour finir en beauté, France-Islande dimanche soir prochain, non? Oui, c'est ça, dimanche soir prochain. Bon, ça semble assez logique normalement, mais il y aura une petite surprise. Forza. Victoire de la France, bien sûr. 2-0. 2-0. Max. Victoire de la France aussi, hein, 3-1. 3-1. Pota. Moi, je pense que ça va pas être facile, facile. Mais ouais, le classique 2-1 de la compétition. Ouais. Hein. Vu que ça a l'air d'être... la norme. Pour l'instant, ouais. Scap. Allez, moi, je dis qu'on va faire un match complet, on va aller taper 3-0. 3-0. Ferdi. Ouais, ben... Moi, je pense en ce premier but, parce que tu as une nouvelle défense centrale, tu as un nouveau milieu de terrain. 3-1. 3-1. Et moi, je pense aussi au 2-1, tout simplement classique pour la France, parce que c'est mieux, c'est bien bien. Voilà pour tout, pour ce podcast sur les huitièmes de finale. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un truc à dire, un truc à... un coup de gueule, un coup de cœur, quelque chose à rajouter? Bah, plus de supporters irlandais en... dans l'Euro, c'est triste. Et encore des Islandais, c'est bien. Il va bien falloir qu'ils aillent labourer les champs à un moment aussi. Alors, par contre, les Polonaises sont toujours dans les tribunes, donc continuez à alimenter les Instagram et autres. Ferdi, on compte sur toi. Ah, je me suis composé une espèce de banque de données branlette, là, ça commence à faire plaisir. Eh bien, c'est tout bon. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce podcast sur les huitièmes de finale. On se retrouvera, je pense, en début de semaine prochaine pour un podcast sur les quarts de finale, qui, j'espère, durera du coup un petit moment longtemps. Ça, du coup, j'ai une petite pause, mais du coup, finalement, on s'en est quand même bien sorti. Merci à tous pour ce podcast. Nous, on se retrouve ben, sûrement dans une semaine. Je ne sais pas si je serai là, on verra qui est dispo à ce moment-là. Et puis on verra bien. Hein. Bonsoir à tous. Salut. Salut. Tous. Et à bientôt sur le forum. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur les sujets, à se dédier au sujet. Ça se dit pas, ça. Oh, c'est lourd, c'est lourd. Pas grave, c'est pas grave. Il fera un petit coup de cut, le Steph, c'est pas grave. Eh ben, salut à tous. Salut. Ah, j'ai dit salut, hein, il a dit salut. Aïe. Oh là là, c'est chouette. Aïe. J'allais me coucher. 1 chose à dire, c'est... Mais il n'y a pas un Lyonnais qui allait, du coup. Il y a que des chiens et des chats aussi. C'est que si on veut jouer le contre des grosses équipes... Ça va être compliqué. On va vouloir, c'est un terrain très, très, très solide. Pareil si tu te fais chier. Hein. Après, si tu regardes les scénarios qu'on a eu au niveau du score... C'est Carrasco, j'ai pas le dernier but, c'est ça. Je vais vous laisser commenter, vous amuser sur ce match-là. Je vais coucher mes gosses et je vous rejoins tout à l'heure, à tout de suite. Amusez-vous. Par contre, sur le. From André Schürrle. Je suis en train de chercher à faire des jeux de mots avec des noms des joueurs de l'équipe, c'est compliqué quand même. Ouais, Simon, il a bétonné quoi. À part mais Meunier, il a pas joué. À part Meunier, Tudor, t'es. Mertens, De Bruyne. Est-ce que Simon aurait pas dû être portugais plutôt? Simon, il avait sa place dans l'équipe du bâtiment, mon gars, c'est sûr. Ah, Et sinon, la Belgique en quart, est-ce qu'on peut dire que c'est un hasard? Oh là là. La quoi, vas-y? La Belgique en quart, est-ce qu'on peut dire que c'est un hasard? Ah, oh, joli! Très beau, très beau, très beau. Ça fera partie du best-of à la fin. Je pense que mais là on va avoir un sacré best-of. Hein, c'est parti comme on est pour. Ouais, à la limite, on fait comme De Bruyne, on s'en bat les couilles. Absolument, ouais. Sinon, les Hongrois, ils ont tiré la langue un peu, non? Il a combien d'enfants à coucher, l'autre? Tu sais, c'est comme les mangoustes, ce truc-là, ça, il les sort par portée, il en a 12 en fait. Me revoilà, alors. Ça va? Eh ben putain. Puisqu'il picole aussi, je suis sûr que ces gosses, ils sont nés avec la bouche pâteuse, quoi. Même pas.